Chapitre 8. Aguirre City, Etzal Prime. Soixante-cinq minutes avant l'impact. Le maître Jedi Avar Kriss entendait le chant de la force issu du cœur que formait le système Etzal dans son ensemble. La vie et la mort dans un mouvement de contrepoint permanent. C'était un air qu'elle connaissait bien pour le percevoir constamment, où qu'elle aille. Ici, la mélodie de la force se muait en mélange dissonant de peur et de confusion. Des gens mouraient ou éprouvaient l'effroi associé à l'imminence du trépas. Et au milieu de cette mélodie, les notes des Jedi et du courageux personnel de la République, ainsi que des héroïques habitants de Etzal, exploitant les ressources à leur disposition pour tenter de sauver les peuples de ces mondes. Le Third Horizon avait atterri non loin de la résidence ministérielle d'Aguirre City, capitale de Etzal Prime. La République coordonnait ses efforts avec le gouvernement etzalien pour tenter de juguler le désastre, assurer le déroulement ordonné de l'évacuation autant que faire se pouvait, suivre le trajet des projectiles en approche, apporter toute l'aide possible. Avar Kriss occupait toujours la passerelle du vaisseau et servait encore de point de connexion aux Jedi du système afin qu'ils puissent sentir leur présence respective, se localiser les uns les autres et percevoir leur état émotionnel. Parfois, des mots ou des images en émergeaient spontanément, mais le phénomène restait rare. Ce n'était qu'un chant, et Avar chantait et écoutait. Elle parvenait toutefois à rassembler énormément d'informations à partir de ce qu'il lui disait. Elle savait que 53 vectors Jedi circulaient actuellement dans le système Etzal. Elle savait quels Jedi intervenaient en ce moment même sur la planète. Par exemple, Bel Zetifar, le padawan prometteur de l'Oden Greatstorm, approchait de la surface de Etzal Prime à une vitesse extraordinaire. Elzarman, son plus vieil et plus proche ami au sein de l'Ordre, pilotait son propre vector, un appareil monoplace actuellement proche d'un des trois soleils du système. Il agissait presque toujours seul. Avar faisait partie des deux seuls Jedi avec lesquels il lui arrivait de travailler. Elle et Stellan Gios. Essentiellement parce qu'Elzar était... Non, on ne pouvait pas le qualifier d'instable. C'était une sorte de bricoleur, si tant est que l'on pût appliquer ce terme aux techniques des Jedi. Il n'utilisait jamais deux fois la force de la même façon. Elzar disposait toutefois d'un instinct sûr et ne tentait jamais rien de trop insolite face à des enjeux graves. En général, ses expérimentations liées aux techniques de la force permettaient d'accroître les connaissances de l'ordre et il lui était arrivé d'accomplir d'incroyables prouesses. Mais il échouait aussi de temps à autre, parfois de manière spectaculaire. Jamais lorsque des vies étaient en jeu, certes. Mais même cette infime incertitude, associée à ses réticences lorsqu'il s'agissait d'expliquer ce qu'il s'efforçait d'obtenir, disons que certains membres de l'ordre avaient du mal à le supporter sans s'exaspérer. Ce qui expliquait, selon elle, qu'il demeura chevalier Jedi plutôt que d'accéder au statut de maître. Elle savait que la situation contrariait l'intéressé. Il la trouvait injuste. Il ne se préoccupait pas de la voie qu'empruntaient les autres Jedi au travers de la force, alors pourquoi se souciait-il donc de la sienne? Il désirait simplement suivre sa propre route où qu'elle mène. Avar ne comprenait pas davantage que la plupart des Jedi les expérimentations d'Elzar. Mais la sérénité de leur relation reposait sur le fait qu'elle ne lui demandait pas d'explication. Jamais. Cet arrangement avait nourri leur amitié depuis leur apprentissage en tant que novice au temple Jedi de Coruscant. En outre, elle l'appréciait. Tout simplement. Il était drôle, brillant, et ils avaient évolué ensemble au sein de l'ordre, Stellan, Elzar et elle. Trois élèves qui avaient été inséparables durant toutes leurs années de formation. Elle écarta Elzarman de ses pensées pour écouter la force. Elle sentit les Jedi sur les mondes du système, ceux qui pilotaient des vectors et d'autres encore sur des stations, des satellites ou des vaisseaux, dans tout le système, prêtant main forte là où ils le pouvaient, et collaborant généralement avec les 28 Long Beams de la République déployés depuis le Third Horizon. La connexion par la force lui rapportait même que d'autres membres de l'ordre étaient en route, faisant de leur mieux pour répondre à l'appel de détresse du ministre Eka malgré leur éloignement. La plus proche était Maître Jorah Mali, future commandante du quartier Jedi sur le flambeau stellaire que l'on venait d'achever, avec son second, Maître Skeer, un imposant Trandoshan. Stellan Gios venait de s'envoler de l'avant-poste de son temple sur Inestia, filant dans l'hyperespace à bord d'un appareil d'emprunt comme si le simple fait de penser à lui quelques instants plus tôt l'avait convoqué. Et il y en avait bien d'autres. Avar émit une note pour leur souhaiter la bienvenue, puis appela tous les autres Jedi qu'elle parvenait à joindre près de Hetzal ou non. La distance ne signifiait rien pour la Force, et ils avaient peut-être des moyens d'intervenir sans qu'on le sache. Jusqu'ici, le bilan des victimes de la catastrophe demeurait faible, à peine plus élevé que les fluctuations habituelles de la vie et de la mort qui agitaient tous les vastes groupes d'êtres vivants. Maître Kriss craignait toutefois que la situation ne bascule d'un instant à l'autre. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait ici. Rien de tout ceci ne semblait naturel. Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel phénomène. Une immense quantité de projectiles qui apparaissaient dans un système en surgissant de l'espace sans crier gare. Elle n'osait imaginer ce qui se serait produit si le Third Horizon ne s'était pas trouvé dans les parages après une escale pour refaire le plein de carburant, ou si leur tournée d'inspection du flambeau stellaire n'avait pas subi d'interminables retards à cause du superviseur du projet, une bite enthousiaste du nom de Shai Tenem. Cette dernière avait insisté pour exposer à ses visiteurs Jedi et républicains le moindre recoin de la station, reportant leur départ et exaspérant l'amiral Cronara. Mais s'ils étaient partis à temps, le Third Horizon aurait plongé dans les profondeurs de l'hyperespace avant que l'ordre d'évacuation du ministre Eka ne circule et aurait été à présent beaucoup trop loin pour rejoindre Hetzal dans des délais raisonnables. Sans l'excès de zèle d'une administratrice bite, Hetzal aurait dû se débrouiller avec cet apocalypse. Le champ de la Force. Entre ce qu'il transmettait directement à Avar et le bavardage des officiers de pont du Third Horizon qui évoluait autour d'elle, elle parvenait à conserver une image à jour de la catastrophe dans tous ses détails, des plus petits aux plus grands. Au-dessus de Hetzal Prime, un technicien de la République terminait les réparations d'un vaisseau d'évacuation à court d'énergie afin de lui permettre de poursuivre son trajet vers un abri. Près de la deuxième plus grande géante gazeuse, deux vectors firent feu et réduisirent en poussière un fragment. Un long beam outrepassa ses limites alors qu'il se précipitait vers une station endommagée à l'extrême limite du système. Une avarie catastrophique de ses moteurs s'ensuivit. Avar sursauta légèrement en éprouvant la sensation de froid et d'obscurité. Et au-dessus de la lune fruit, une impression très claire, aussi proche d'un message que pouvait l'être la communication à travers la Force dans ces circonstances. La sensation émise par un chevalier Jedi du nom de Te'ami. Leur conception des événements était tragiquement incomplète. « Non !» dit Avar, perturbé par le sentiment d'urgence que Te'ami s'efforçait de transmettre. Ses émotions tourbillonnèrent et le chant de la Force miroita dans son esprit, plus discret et moins distinct. « Concentre-toi, se tensa-t-elle. On a besoin de toi. » Avar Kriss maîtrisa ses émotions et écouta. À présent, grâce à Te'ami, elle savait quoi chercher. Elle invoqua mentalement les traits de l'autre Jedi. Sa peau verte, son crâne allongé en dôme, ses grands yeux rouges. Et en un rien de temps, elle découvrit ce que Te'ami avait tenté de lui montrer. À vrai dire, maintenant qu'elle cherchait, c'était évident. Avar déploya sa conscience dans tout le système, repoussant la limite de ses capacités. « Je ne peux pas me permettre d'en manquer un, » pensa-t-elle. « Pas un seul. » Elle ouvrit les yeux et déplia les jambes pour se remettre debout sur la passerelle du Third Horizon. Les officiers lui jetèrent des regards surpris. Elle n'avait pas prononcé un mot ni bougé depuis un moment. L'amiral Cronara parlait à la chancelière Lina So, qui avait appelé via un relais de haute priorité depuis Coruscant. Ses traits larges et délicats s'affichaient sur l'un des murs comme de la passerelle. Elle paraissait fragile, mais ne l'était absolument pas. Le visage de Kronara offrait un contraste marqué. C'était à croire qu'un marteau aurait pu s'y briser. Il paraissait dur, et il l'était vraiment. Il portait l'uniforme de la coalition défensive de la République, gris clair avec quelques touches de bleu, sa casquette sous le bras en signe de respect pour le statut de la chancelière. L'image s'affichait dans une résolution basse, et des lignes de parasites parcouraient le visage de l'Inasso toutes les 2 ou 3 secondes, mais il fallait s'y attendre. Coruscant n'était pas la porte à côté. « La lumière soit louée pour avoir guidé votre vaisseau assez près de Hetzal pour que vous interveniez, amiral. » dit la chancelière Sceaux. Nous avons envoyé des appareils de soutien aussitôt que possible, mais le signal de détresse depuis Hetzal avait déjà mis longtemps à nous parvenir. Vous connaissez l'instabilité des relais COM dans la bordure extérieure. « En effet, chancelière, » répondit Kronara. « Nous apprécions tous vos efforts. Nous progressons ici, mais il faut s'attendre à un nombre considérable de blessés, et je suis sûr que toutes sortes de systèmes essentiels nécessiteront des réparations. » Je ferai savoir au ministre Eka que vous avez envoyé de l'aide. Il appréciera, sans aucun doute. Naturellement, amiral. Nous sommes tous la République. Avar traversa la passerelle, passant devant Kronara au moment où il coupait la transmission avec Coruscant. Il lui jeta un coup d'œil curieux lorsqu'elle s'arrêta devant l'écran où s'affichait le rapport de l'opération d'intervention. Tous les vaisseaux, le personnel, les Jedi, la République, les autochtones. Points rouges, verts, bleus, monde, vie, espoir, découragement. Elle toucha certaines anomalies rouges du bout du doigt. Au fur et à mesure, celles-ci apparurent en surbrillance entourées d'un cercle blanc. Lorsqu'elle en eut terminé, elle avait marqué une dizaine de projectiles. Avar s'éloigna du moniteur puis se retourna pour regarder l'équipage de la passerelle. Perplexe mais poli, les officiers attendaient qu'elle explique ce qu'elle venait de faire. « Je déteste devoir vous annoncer cela, mes amis, mais la situation vient de se compliquer énormément. Nous avons un nouvel objectif. » Les traits burinés de l'amiral Kronara se crispèrent. Avar ne le prit pas personnellement. « Remplace-t-il les paramètres de mission actuelle ?»« J'en serais ravi, » répondit-elle. « Mais non. Nous devons toujours accomplir ce que nous sommes venus faire ici, empêcher les fragments de détruire Hetzal. Mais à présent, il y a autre chose. » Elle désigna l'écran où les points rouges entourés de blanc filaient vers le soleil. « Les anomalies que j'ai indiquées ici contiennent des êtres vivants. Il ne s'agit plus uniquement de sauver les mondes de ce système. » La prise de conscience se peignit sur les traits de Kronara. Il se rembrunit davantage. « Nous entamons donc une mission de sauvetage en plus de tout le reste. »« Tout à fait, amiral, » dit Avar. Un cœur de désarroi se fit entendre. Les officiers comprenant que leur progrès jusqu'ici n'était que le préambule d'un effort bien plus intense. Comment est-ce possible? Combien de gens? Qui sont-ils? Ce sont des vaisseaux? Une invasion? L'amiral Kronara leva la main et les voix se turent. Maître Chris, si vous nous assurez que certaines de ces choses abritent des êtres vivants, il n'y a pas de doute. Mais comment proposez-vous d'organiser le sauvetage? Ces objets se déplacent à une vélocité incroyable. Nos systèmes de visée arrivent à peine à les toucher, et voilà qu'il faut nous arrimer à eux ? Avar hocha la tête. J'ignore comment nous y parviendrons. Pour l'instant. J'espère que l'un d'entre vous aura une idée. Mais j'ajoute que chacune de ces vies est aussi importante que n'importe laquelle sur cette planète ou sur n'importe quelle autre. Nous devons commencer par nous persuader qu'il est possible de sauver tout le monde. Si la volonté de la force est ailleurs, ainsi soit-il. Mais je n'accepterai pas l'idée de les abandonner avant d'avoir essayé. Elle traça un vaste geste de la main, embrassant l'ensemble de l'affichage. Voici tout ce dont vous disposez. Ce que nous avons amené avec nous. Tous les vaisseaux hetzaliens sont occupés à évacuer, et il ne nous reste donc que les Vector et les Jedi qui les pilotent, auxquels s'ajoutent les Longbeam et leurs équipages. Trouvez un moyen. Je vous en sais capable. Je vais en faire part aux Jedi. La Force aura peut-être une réponse à nous offrir. Les officiers échangèrent des regards, puis se jetèrent à corps perdu dans le travail, s'efforçant de planifier 10 missions de sauvetage complètement impossibles. Avarkris ferma les yeux. Elle s'éleva dans les airs. La force s'était mise à chanter et lui parlait de périls, de courage et de sacrifices, de Jedi accomplissant leurs vœux et jouant leur rôle de gardien de la paix et de la justice dans la galaxie. Le chant de la force.